Les entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les entrepreneurs engagés sur Fadjet, l'émission qui met en lumière celles et ceux qui agissent concrètement pour faire bouger notre territoire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui peut littéralement sauver des vies. Est-ce que vous sauriez quoi faire face à une situation d'urgence, un malaise, une chute, quelqu'un qui a besoin d'aide? Et maintenant, imaginez des enfants de 3, 4 ou 5 ans capables eux aussi de réagir. C'est exactement le pari de l'association Pas de panique 112. Leur idée, apprendre les gestes qui sauvent en jouant, dès le plus jeune âge et directement à l'école. Une approche ludique, rassurante et surtout accessible à tous les enfants. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Lorraine, membre fondateur de l'association Pas de panique 112. Bonjour Lorraine et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Morgane et merci de m'accueillir dans les studios de Fadjet. Alors pour démarrer, j'aime bien poser une question toute simple. Si tu devais expliquer ce que tu fais en une phrase, tu dirais quoi? Alors par rapport au projet Pas de panique, je suis auteur en fait d'albums jeunesse intitulés Pas de panique, que j'ai envie de transformer en vecteur des bases de la prévention et du secourisme. J'ai envie que ces livres-là, permettent la transmission des bases de la prévention et du secourisme auprès des enfants. Ok. Et l'association, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Alors l'association, elle permet de développer cette approche et d'en faire une méthode pédagogique complète et qui soit adaptée au milieu scolaire. Parce que un livre, c'est bien, c'est même très bien, c'est important de lire, mais ça ne suffit pas pour transmettre en fait de manière progressive, de manière ludique, comme tu l'as dit, aux enfants. Et comme on veut que ça touche tous les enfants, et pas que ceux qui seraient capables d'acheter les albums, eh bien, on a eu cette idée que ça se passe à l'école. Et donc, à l'école, il y a un programme scolaire à respecter, qui s'appelle d'ailleurs APS, notamment pour apprendre à porter secours. Donc, ça existe. Donc, on n'arrive pas avec nos gros sabots en disant « faites du secourisme à l'école ». En fait, il y a déjà un cadre qui permet de le faire. Et Pas de panique 112 arrive avec cette idée et cet outil de « comment on fait ». Voilà, ça permet de donner des outils aux enseignants pour pouvoir faire cette sensibilisation. Hein, c'est pas un diplôme, on sensibilise les enfants à comment réagir, à comment rester calme, avec des petits réflexes, et comment donner l'alerte au secours. Et donc tout ça, eh ben, c'est le programme de l'association Pas de panique 112, de développer, de construire avec les enseignants cette méthode pédagogique adaptée aux écoles et dès la maternelle. Et comment c'est venu cette idée de créer cette association? J'ai tout simplement parlé de mon projet de livre à une amie enseignante. Et elle m'a dit, bah, écoute, tu sais, ça pourrait être bien de faire ça dans ma classe. J'aimerais bien que tu viennes et puis que tu nous parles un petit peu aussi de ton parcours en tant que pompier volontaire, médecin. Et puis, ça fait partie, en fait, d'un projet pédagogique qu'elle a souhaité initier dans sa classe pour voir un petit peu l'interaction, comment elle pouvait justement faire de l'APS, peut-être en utilisant, elle avait peut-être déjà cette idée de se dire, mais l'idée de Lorraine, là, moi, ça va m'être drôlement utile en classe. Et on y est allé. Un petit peu sans cadre, faut le dire, avec la spontanéité et l'envie en fait de parler de ça aux élèves. Et elle m'a dit, écoute, alors j'y suis allée avec mon histoire qui était pas du tout illustrée, c'était un PDF, je l'ai raconté à l'oral, il y a eu une interaction avec les enfants. Et quand on parle en fait aux enfants de pompiers, ça marche quand même super bien. Donc c'est vrai que j'ai réussi à capter leur attention. Et puis après, on a raconté cette histoire qui est Pas de panique, Léo a fait une chute à vélo, qui parle à tous les enfants parce que chaque enfant quand même fait de la draisienne ou du vélo un jour ou l'autre dans sa vie. Ça permet de concrétiser le concept de secouriste, c'est-à-dire oui, on peut tomber à vélo. D'ailleurs, pas de bol, ça arrive quand même à tout le monde une fois dans sa vie. Donc ça tombe bien pour le coup, c'est C'est le cas de le dire. Et du coup, bah, on a fait cette histoire et puis ensuite on l'a mimée. C'est-à-dire qu'on a demandé aux élèves qui étaient volontaires de jouer la scène. Et ça, c'était vraiment... Moi, je l'avais fait dans ma cuisine avec mes enfants, mais là, je le faisais avec des enfants qui découvraient en même temps l'histoire et puis le fait de jouer une scène où hop, on tombe, hop, on panique, ah bah non, pas de panique, et hop, on met en place la chaîne des secours, comme nous, on appelle ça, c'est-à-dire pas rester seul, demander de l'aide. Et encourager les autres à venir aider celui qui va pas bien, puis créer une sorte de solidarité comme ça, et puis une confiance en fait collective de se dire on peut aider celui qui a eu mal. Et je suis donc repartie de cette intervention, et là, l'enseignante, elle a fait son travail, c'est-à-dire qu'elle a réactivé régulièrement. Et c'est là où en fait même moi j'ignorais comment on pouvait structurer cette méthode. C'est vraiment avec les enseignants qu'on l'a fait. C'est-à-dire que l'enseignant, il voit quand même les élèves tous les jours, tout au long de l'année, pendant quand même une paire de semaines tout au long de l'année, et donc il a cette capacité de temps en temps mettre des petites piqûres de rappel. Ce que nous, on peut pas faire quand on fait une formation de secourisme, une fois, 8 heures, bam, il y a un programme, et puis il y a rien avant, rien après, et c'est pour ça d'ailleurs que les gens se sentent si peu en confiance, même en ayant été formés. C'est parce que c'est pas ancré, en fait. Et l'enseignante, pendant les semaines qui ont suivi, elle a à chaque fois fait des ponts, des parallèles avec ce qu'on avait dit, avec du pas de panique, et ce qui pouvait arriver. Elle est par exemple allée en balade, elle a dit « Ah, on va partir en balade, et alors vous savez, si quelqu'un tombe, vous vous souvenez de ce qu'a dit mon amie Lorraine, pas de panique, hein, pas de panique !» Et donc elle a réactivé les choses, elle a refait des petits ateliers avec eux, et elle m'a fait un message mais ultra touchant la dernière semaine de l'année scolaire, où en fait elle m'a dit « Écoute, il s'est passé un truc incroyable dans la cour d'école, et il y a un enfant qui est tombé. » Elle me dit, voilà, j'étais de loin, j'ai observé. Évidemment, il a pleuré initialement. Bon, je savais que c'était pas grave. Et du coup, j'ai observé. Et elle me dit, ils ont reproduit exactement ce que tu leur as transmis. C'est-à-dire, il y en a un qui lui a dit, pas de panique, pas de panique. Il y en a un qui a été un peu, il était un peu brusque, mais au moins il était efficace. Il a dit, non, tu bouges pas. Et donc, il y en a un autre qui le rassurait à son oreille, et puis il y en a un qui faisait semblant d'appeler le 112 touche verte et qui disait « Mais il y a un enfant qui est tombé à l'école, on est à l'école, un tel, faut venir, hein, mais pas de panique, pas de panique !» Et elle m'a dit « Mais tu peux pas t'imaginer le cadeau que c'est pour une enseignante de voir en fait ses enfants réussir à s'entraider et puis à avoir les gestes adaptés. Surtout, c'est pas s'entraider puis dire on rigole mais on fait n'importe quoi. Non, ils font pas n'importe quoi en fait, on le fait à travers le jeu, mais in fine, et c'est ça qui nous a convaincus, c'est ce qu'elle m'a dit en fin de message, elle m'a dit si on avait un doute, on en a pu. Ça fonctionne. Ce qu'on a fait à l'échelle d'un groupe de 20 qui était en fin de petite section, donc il y en avait qui n'avaient pas 3 ans, elle a dit, si ça marche là, elle dit, voilà, il faut créer quelque chose. Et c'est comme ça que l'association Pas de Panique 112 est née, de se dire, on va mélanger les compétences secouristes avec des compétences pédagogiques des enseignants pour dire, voilà, on va proposer une approche aux enfants qu'on va souhaiter voir, en tout cas proposer dès la maternelle. Et c'est vraiment cette association entre des gens qui ont des compétences en secourisme et des gens qui ont des compétences en pédagogie adaptée aux jeunes enfants qui permet de créer cette méthode pédagogique Pas de Panique 112. Et du coup, concrètement, est-ce que tu peux nous parler de la mallette, hein, t'en as un petit peu parlé. Dans les écoles, c'est quoi le matériel qui est mis à disposition et puis comment ça fonctionne un peu ce cycle? Oui, l'apprentissage. C'est ça. Donc, on l'a dit, c'est très progressif. Donc, à la base, on part de l'album, qui est l'élément clé initial. Donc, la lecture, dont on fait la promotion, parce que voilà, il y a des enfants qui n'ont jamais eu un livre dans les mains avant d'arriver en classe, et qu'on se dit que c'est quand même très essentiel de faire la promotion de ces livres. Donc, il n'y a pas d'application Pas de Panique, mais il y a des albums jeunesse à lire. Et donc, c'est comme ça que commence le cycle Pas de Panique. Avec la lecture de l'histoire Pas de Panique, Léo a fait une chute à vélo, Barnabé saigne du nez, Pas de Panique, on a appris le numéro d'urgence unique, et c'est la même chose qu'un roule-galette ou un petit chaperon rouge. Donc là, l'enseignante, elle fait son... Enfin, c'est vraiment, il n'y a rien de spécifique au secouriste, c'est une histoire, c'est un album jeunesse, avec des personnages dont on va analyser le rôle, les émotions, parce que c'est aussi quelque chose qui est arrivé dans l'enseignement dès la maternelle, la gestion des émotions, mais déjà les nommer. Donc là, on a notre madame comique qui est en panique, donc on va essayer de savoir pourquoi. Et puis, il y a les enfants qui restent très calmes. Et puis après, on fait un travail dérivé, c'est-à-dire que de l'histoire, on va isoler des mots, des messages clés qu'on va retrouver dans un coloriage. Donc, quelques jours après, on va refaire du pas de panique, mais à travers le coloriage, et on enfonce le clou sur « attention à vélo, le casque est obligatoire, c'est important de protéger sa tête ». On n'oublie pas de fermer la jugulaire, tout ça on le retrouve dans le coloriage. Et puis ensuite on arrive à la mise en scène. C'est-à-dire que vraiment là où les enfants vont retenir la gestuelle, c'est en faisant. Et c'est valable pour tous les domaines. Je veux dire, nous aussi adultes, on n'apprend jamais qu'en lisant quelque chose, on apprend en faisant. Donc, ils vont faire. Donc ils vont faire une chute à vélo. Ils adorent ça d'ailleurs, faire celui qui chute, ils adorent. Donc en fait, déjà, de base, ça lui fait rire. Donc ça, c'est très bien parce que ça amène de la légèreté dans un sujet où là, en parallèle, les adultes vont avoir peur. Et ben eux, ça les amuse. Voilà, je joue à tomber. Voilà, donc ça, déjà, ça... souvent la chute fait déjà un éclat de rire collectif parce qu'il s'est très bien chuté. Et ensuite, deuxième éclat de rire, nous avons quelqu'un qui va jouer Madame Comique. Et Madame Comique, c'est le contre-exemple absolu, mais qui fait rire les enfants parce qu'elle sait plus du tout quoi faire. Elle est en panique, elle fait « Oh là là, que se passe-t-il ? Oh là là, mais que dois-je faire ?» Et les enfants arrivent, pas de panique Madame Comique, que s'est-il passé ? Et là, donc, on a vraiment le contre-exemple. Et donc, l'exemple des enfants qui arrivent, très calmes, et donc, ils mettent en scène cette scénette, et ce qu'ils ont lu dans le livre, et ils incarnent, en fait, les personnages du livre à tour de rôle. Et puis ensuite, l'enseignante accompagne tout ça. Il y a un guide pédagogique qui lui permet de structurer les différentes séances qui se déroulent environ sur 6 semaines. Et 6 semaines, c'est la durée entre 2 vacances scolaires, globalement. Donc ça lui permet de dire, je vais faire une thématique pas de panique sur ces 6 semaines, sachant que ça, c'est pour les maternelles et que pour les primaires, c'est toujours valable. C'est juste que ça va plus vite et qu'on peut faire 2 thèmes de pas de panique. C'est-à-dire, on peut faire la chute et l'appel des secours dans la foulée quand ils sont plus grands. D'accord, donc tu l'as dit, c'est dès la maternelle. Pourquoi c'est aussi tôt ? Est-ce qu'ils n'ont pas peur ? Oui, c'est en partie pour ça. Alors déjà, pourquoi ? Parce que ça fonctionne. On se rend compte, et de plus en plus avec ce projet, que en effet, les enfants aiment ça, ils n'ont pas cette crainte. Il faut savoir que chez les jeunes enfants, il y a une empathie naturelle. C'est-à-dire que cet élan d'aller vers l'autre quand il a un problème, il disparaît un peu de manière en grandissant, mais il est très présent chez les bébés. Et donc, quand on arrive en maternelle, on peut encore se dire que les enfants ont naturellement un élan pour aller vers quelqu'un qui a un souci. Il y a beaucoup d'empathie chez les enfants. Et le jeu, en fait. Le jeu, c'est-à-dire que d'ailleurs, moi, j'aimerais un jour développer cette approche aussi pour les adultes parce que je suis convaincue que ça marcherait aussi. On ferait sous forme de sketch. J'ai des idées. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire dans 10 ou 15 ans, si on veut que tout le monde soit formé ou au moins sensibilisé, c'est pas le tout d'avoir un diplôme, c'est de savoir quoi faire si une détresse arrive, si une urgence arrive. Donc, on se dit que plus on commence tôt, plus on aura cette chronologie favorable pour répéter régulièrement tout au long de la scolarité. Et ça aussi, c'est décrit dans le programme APS qui commence en maternelle. Oui, puis peut-être en maternelle, il y a peut-être un peu moins de moqueries ou de timidité de jouer des scénettes chez des préados. Exactement, parce qu'en CM, on est déjà sur du préado parfois. Il y a un complexe, une réticence à toucher des fois l'autre. À aller vers l'autre, et puis des complexes, oui, par rapport au corps et tout ça. Et puis, parce que plus on grandit, plus on va faire des histoires plus complexes, donc plus on va avoir des gestes à faire et à toucher l'autre. Sur la chute à vélo, c'est juste un contact verbal, on le rassure, et le conseil quand on chute, c'est de ne pas bouger. Donc en fait, en vrai, si on n'ose même pas le toucher, mais ce qui n'est pas vrai en maternelle, c'est pas grave. En revanche, le jour où il faut faire une désobstruction des voies aériennes, un point de compression sur un saignement le massage cardiaque, si on n'ose pas y aller, on peut, enfin c'est pas possible en fait. Quand on le fait très tôt, ils n'ont pas connu cette cette appréhension. Ils sont un peu programmés, en fait, pour aller aider à porter secours même aux adultes, quoi. Et puis après, ils adorent le sujet. Comme je disais tout à l'heure, ils font le parallèle avec les pompiers. 9 enfants sur 10 adorent. Et le 10e, il est jamais très compliqué à convaincre. Donc, c'est vraiment... et puis, ils représentent des valeurs qui sont vraiment à transmettre. C'est des modèles. C'est des gens qui s'engagent, qui s'entraident, qui sauvent. Alors, des fois, pas individuellement, mais ils sauvent des vies collectivement. Et c'est ça qu'il n'y a pas de héros. Il y a une solidarité collective qui permet, grâce à plein de personnes qui vont s'engager pour aider quelqu'un, de sauver des vies. Et puis, il y a ce sentiment incroyable de quand on a aidé quelqu'un. Enfin, c'est très gratifiant. Et tout ça, les enfants, je pense, l'intègrent. Ils sont très fiers d'eux. Quand ils ont réussi à faire une scénette pas de panique, ou qu'ils ont réussi à le partager en famille en faisant des ateliers pas de panique spontanément à la maison, ils sont très fiers de le faire. On a une expérience d'enfants de maternelle qui avaient fait du pas de panique, et au périscolaire, ils se sont retrouvés avec des plus grands. Ce sont les petits qui ont montré aux plus grands comment faire, comment réagir, comment donner l'alerte, et donc ils sont très fiers aussi. Donc pour tous ces éléments-là, C'est à cet âge-là qu'il faut commencer, oui. Et en plus, tu les touches par le jeu. Quel enfant n'aime pas apprendre en jouant? Oui. Et puis, si on veut, à un moment donné, arriver... Le constat, il est dans la société, c'est qu'on n'est pas assez formé en France aux gestes de premier secours. Il y a eu énormément d'efforts faits sur ces diplômes, le PSC, etc., qu'on a commencé à décliner et à proposer le plus tôt dans la vie des gens, dans leur citoyenneté, on va dire, dans leur parcours citoyen. Et donc, au départ, c'était 18, après 15, maintenant, ça peut être 10. Mais 10 ans, je ne dis pas que c'est trop tard, mais en tout cas, il y a énormément de choses qu'on peut faire avant. Cette sensibilisation, cet élan, cette oser aller vers l'autre, avoir confiance en soi pour aller vers l'autre, ne pas se mettre en danger soi-même, tout ça, c'est des éléments qu'on peut transmettre bien plus tôt que 10 ans. Et on n'a pas besoin de faire une formation diplômante pour transmettre des éléments essentiels qui peuvent vraiment sauver des vies. Et on le voit, je parle beaucoup, on le voit, il y a plein d'exemples qui sont relayés par les médias d'enfants qui ont appelé les secours. Donc c'est autant d'exemples qui doivent nourrir notre motivation pour développer cette méthode et la proposer au plus grand nombre. T'en parlais tout à l'heure des fiches pédagogiques, parce que les enseignants, du coup, vous n'êtes pas avec eux... Mais ils ne sont pas non plus laissés tout seuls. Est-ce que tu peux nous en parler un peu pour rassurer? Oui, parce que c'est ça. Nous, on veut rassurer tout le monde, les enfants, les enseignants, les parents. Et en fait, c'est ça. C'est que on a fait aussi ce constat qu'il y avait quand même beaucoup d'écoles, beaucoup d'élèves, beaucoup de classes, et qu'on avait beau être très motivés, même si on embarquait des gens avec nous, on n'arriverait pas à être dans chaque classe pour animer nous-mêmes les ateliers pas de panique. Donc on s'est dit, si ça doit se faire, il faut que l'enseignante puisse avoir des outils adaptés qui permettent de décortiquer les notions et de l'accompagner. Donc c'est même les enseignants qui ont finalement créé cet outil, que eux-mêmes décrivent désormais comme une méthode clé en main, où à partir de tous les éléments fournis, ils ont un canevas, ils ont une ligne guide à suivre et qui leur permettent à chaque étape de savoir quoi faire. C'est timé, c'est une trentaine de minutes à chaque fois. Il y a les objectifs pédagogiques pour chaque séance. Enfin, c'est vraiment une structure de programme scolaire. Si on revenait un peu à l'association au début, l'association, elle est quand même assez jeune encore. Vous en êtes où dans votre développement? Vous arrivez à faire parler de vous? C'est quand on a une idée, qu'on a un projet et qu'on est totalement dédié à la création de ce projet-là, plus on avance et plus on se rend compte qu'il y a plein de compétences à avoir qui ne sont pas les nôtres initialement pour justement bien communiquer, diffuser par différents canaux. Donc voilà, ça c'est aussi le constat initial pour après dire bon, voilà ce qui nous manque et voilà comment on peut se diffuser. Mais nous, c'est vrai qu'on est vraiment sur le cœur du projet, la création de contenu pédagogique. Et donc on est vraiment très concentré sur et d'ailleurs c'est depuis qu'on a réussi à sortir les premiers modules il y a 3-4 ans, on essaye d'en sortir régulièrement. Donc là, il y a 3 modules qui sont complètement finalisés. sur la chute à vélo, sur comment donner l'alerte, l'appel des secours et la sécurité incendie. Chaque album doit donner lieu à un module pédagogique. Et donc, on est vraiment très concentré à ça. Et en effet, après, pour se faire connaître, eh ben, on a des fois des relais dans des centres de secours chez les sapeurs-pompiers, dans les portes ouvertes, où ça permet d'être connu. On va au Congrès national des sapeurs-pompiers depuis 3-4 ans. On essaye de communiquer aussi par le biais de l'éducation nationale. Prochainement, on va aller à une formation des conseillers pédagogiques, où on va leur présenter le projet. Faut savoir que l'association, elle a l'agrément académique Nancy-Metz pour l'éducation nationale. Donc ça aussi, c'est une preuve de crédibilité de ce qu'on fournit. Et c'est vrai que notre énergie est surtout dédiée à la création de contenu. Et ce qu'on a détecté aussi, c'est que justement, il fallait qu'on communique avec les enseignants et leur donner confiance aussi de se lancer dans une méthode que nous, on décrit clé en main. Mais ils pourraient aussi se dire, bon, Lorraine, elle est sympa, mais elle est comme médecin urgentiste, donc bon, pour elle, c'est facile. Mais moi, enseignante, c'est comme si on me demandait de faire de l'allemand alors que je ne parle pas allemand. Donc, ils ont besoin de repères, ils ont besoin de... Et ça, il faut qu'on travaille la façon dont on présente le projet aux enseignants et dont on peut les et auxquels on peut les former à travers peut-être un module e-learning, et c'est tout ce qu'au côté va nous permettre aussi de faire grâce au financement qu'on a pu récolter, et pour justement c'est vrai continuer à développer les outils, mais à développer tout ce qui est communication, diffusion et vraiment permettre de toucher le public le plus largement possible quoi. Alors, tu m'as un peu devancé, mais c'est vrai qu'il y a quelques mois, vous avez lancé une campagne de financement participatif, donc sur notre plateforme aucoté.fr. Alors, vous aviez récolté un peu plus de 9000 euros grâce à 47 citoyens, mais aussi, parce que c'est important de le dire, oui, quand même, vos financeurs, le département de Meurthe-et-Moselle, le fonds de dotation de la Caisse d'épargne, la Fondation de France et Est Incendie. Oui, c'est bien ça. C'est ça. Du coup, ces dons, c'était vraiment pour développer tout ce qui va être e-learning et communication, c'est ça? Oui, alors on a déjà créé deux modules, deux petits clips vidéo qui permettent vraiment de présenter le projet. Et ensuite, on en a fait un autre qui permet de montrer comment ça se passe en classe. Donc là, on a donné la parole à une enseignante et elle parle de la méthode qui est donc justement clé en main, et elle montre comment elle le met en œuvre avec ses enfants en classe. Donc ça, on a déjà réalisé deux clips qui nous permettent d'enrichir et d'avoir des vecteurs de communication, de montrer concrètement comment ça se passe en classe, parce que ça aussi, c'est important. Et derrière, on veut aller plus loin et faire des modules d'e-learning, module par module, pour que quand un enseignant se pose des questions sur comment il doit adapter son discours sur une brûlure ou un saignement, qu'il a des questions sur, par exemple, une réaction auquel il s'attendait pas d'un enfant, et ben là, on peut répondre à ces questions à travers des modules d'e-learning. C'est-à-dire on pourrait collecter tous les retours des enseignants et que ça puisse servir à tout le monde. Donc construire quelque chose de collaboratif, ça aussi c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis maintenir et renforcer cette autonomie des enseignants en classe et qu'ils soient convaincus qu'ils peuvent faire une sensibilisation de secourisme avec leurs élèves en autonomie. C'est pas si compliqué que ça. Non, non, non. Alors justement, si on est intéressé par l'initiative, moi je sais que j'ai eu la chance de connaître l'association via France Active Lorraine. Et qu'en tant que parent d'élève, donc j'ai présenté le projet aux enseignants et à l'association de parents d'élèves Job Durup de Tomblaine. Ils ont été vraiment séduits et on a choisi d'acheter cette fameuse mallette. Mais les autres, si quelqu'un nous écoute et est intéressé en tant que parent, en tant qu'enseignant, comment on s'adresse à vous pour avoir plus d'informations? Alors, par le biais du site internet pas-de-panique-112.org. Et là, tu vas expliquer un peu... Oui, on retrouve les éléments qu'on a évoqués ensemble, et puis surtout le contact pour pouvoir nous demander... Échanger, présenter davantage. Parce qu'en fait, les deux clips vidéo, on les a fait aussi pour répondre à toutes les questions qu'on avait régulièrement. Et la question qui revenait très régulièrement, c'est quand est-ce que vous intervenez en classe? Et donc, on adorerait, mais on peut pas. Et si on veut que ce schéma, enfin cette méthode soit reproductible, on doit la rendre très robuste et valoriser cette autonomie et la renforcer, en fait, l'autonomie des enseignants. Et c'est déjà le cas, puisqu'il y a des enseignants qui ont reçu la mallette à l'autre bout de la France, sans référent, pas de panique dans le territoire proche. Et du coup, ils nous ont fait ça des fonctionne. Retours comme quoi les enfants, en plus, avaient adoré l'histoire, qu'ils s'étaient vraiment pris au jeu et qu'ils avaient réussi à faire. Après, ils montent souvent des projets pédagogiques en lien, quand c'est possible, parce que ça, c'est vrai que c'est génial, avec le centre de secours de proximité, ce qui fait qu'il y a une visite de la caserne de secteur qui peut être organisée. Et on a même un retour d'une enseignante sur Vézelise qui a fait du pas de panique avec ses élèves, qui est allée à la caserne. Les pompiers ont dit à l'enseignante, et pour elle aussi, c'était une grande fierté, qu'ils n'avaient plus rien à apprendre aux enfants pour l'âge qu'ils avaient, qu'ils savaient déjà énormément de choses. Donc c'est aussi énormément de fierté pour une enseignante de dire « j'ai transmis ces éléments-là à mes élèves ». Et si un jour ils sont dans une situation de détresse, ils sauront peut-être bien réagir grâce au pas de panique qu'on a fait en classe, donner l'alerte, parce que donner l'alerte, c'est la base de tout. Si on est vraiment face à une urgence, si on n'appelle jamais les secours ou si on met 10 minutes à le faire, ben, on peut ne pas sauver cette vie qu'on aurait pu sauver si on avait appelé de manière appropriée et très rapidement. Alors Lorraine, c'est bientôt la fin de l'émission. J'aimerais te poser une dernière question. Toi, qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? C'est les retours en fait des enseignants, parce que en fait ouais, je suis désolée, je suis émue, pourtant je sors pas de garde, mais c'est hyper touchant. Et en fait moi je l'ai vu dans ma cuisine, j'ai vu des enfants, les miens certes un peu sous influence parce que les parents sont dans le domaine, mais sauver une vie, il y a rien de plus beau quoi en fait. Et on n'a pas besoin d'une cape de Superman, on n'a pas un super pouvoir. On peut le faire avec des choses simples, en donnant l'alerte et en ne restant pas seul. On apprend aussi aux enfants, à travers Pas de panique, à être soi-même en sécurité. Ils peuvent se sauver eux-mêmes parce qu'à un moment donné, on leur a appris à rester calme, à bien analyser une situation et à pas se mettre soi-même en danger. Ils font, ces petits bouts de choux, des exercices intrusion à l'école. Émotionnellement, c'est compliqué. C'est aussi compliqué pour les enseignants. Et là, pour le coup, il n'y a pas trop de réponses à s'il arrive vraiment des blessures, etc. Alors, c'est sûr que se parler de ce sujet-là, c'est toujours ultra angoissant. Mais derrière, pas de panique, c'est comment on se met en sécurité, c'est comment on fait face à quelque chose. Et surtout, on ne reste pas démuni. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas dans la panique. Parce que si on travaille les gestes, si on travaille les bons comportements et qu'on sait que collectivement, on sera plusieurs à les connaître, eh ben, on va y arriver, en fait. Et cette... humainement, je trouve que c'est magnifique, en fait. Ces valeurs qu'on peut transmettre aux enfants très tôt, les valeurs que les sapeurs-pompiers, mais tous les associatifs, les gens qui s'engagent auprès des autres, les soignants, ben, en fait, on s'en rend peut-être pas compte. Nous, au quotidien, on fait notre travail, mais je pense qu'on est des vecteurs de valeurs qui sont importantes à transmettre. On parle beaucoup aussi, et là, j'aime bien faire le pont quand même avec le harcèlement scolaire, et on parle de l'empathie pour lutter contre le harcèlement scolaire. Eh bien, porter secours, c'est se mettre à la place de l'autre, c'est comprendre qu'il a un problème et comprendre que nous-mêmes, on peut l'aider. Et je trouve qu'il faut encourager ça, la solidarité, enfin aider quelqu'un, c'est toujours très gratifiant, en fait. Donc, c'est ces valeurs-là et développer cette empathie qui est naturelle chez les bébés et essayer de l'entretenir à travers l'apprendre à porter secours, je trouve ça beau. Et c'est vrai que... j'ai été émue tout à l'heure parce qu'en fait, c'est comme si tu me demandais, c'est dans ma tête, j'avais tous les retours d'enseignants en une seule question et c'est ça qui m'a touchée au cœur. Et notamment le message d'Élise au départ, qui est elle aussi très émue dans son message. Et en fait, voilà, c'est beau en fait, c'est ça qui me rend fière. Et même si des fois, c'est compliqué d'avancer, de savoir vers quelle personne se tourner pour être connue, c'est pas grave, on continue. Et puis on se dit qu'un jour, au fur et à mesure des rencontres, que ce soit par le biais de côté ou d'autres systèmes, quand on arrive à convaincre une personne, ça sème des petites graines partout de pas de panique. Puis peut-être qu'un jour, on arrivera à faire du pas de panique, ou au moins, j'ai pas des ambitions de faire du pas de panique all over the world, mais n'empêche que ce serait chouette qu'au moins chacun puisse se dire, si j'ai envie de faire du secourisme avec mes enfants, il y a pas de panique qui existe. Il y a d'autres outils qui ont été développés par d'autres professionnels du secours, notamment des jeux de société, etc. Donc c'est pas un vide absolu. Il y a des choses qui existent et il faut surtout ne pas hésiter à le faire parce que les enfants aiment et qu'avec des approches adaptées, ils sont largement capables d'oser le faire, d'être capables de le faire, d'avoir confiance en eux et puis après d'avoir cette fierté de dire je sais, j'ai su porter secours. Parce qu'à l'inverse, quand on est démuni et qu'on ne sait pas quoi faire, ben on s'en veut beaucoup aussi. Et c'est aussi pour... moi, j'ai vécu ça dans des interventions. On arrive, les gens n'ont pas réussi à bien réagir. Malheureusement, ça se termine mal. C'est pas de leur faute, mais eux, ils culpabilisent aussi. Donc c'est aussi pour donner les clés aux gens pour dire non seulement vous pouvez le faire, et donc vous allez y arriver, on va vous aider. Quand on appelle les secours, c'est pas un standardiste qu'on a au téléphone. On a des gens qui sont formés et qui vont réactiver et nous guider. Donc si les enfants, ils ont déjà réussi à apprendre des fondamentaux en classe, à jouer, à donner l'alerte, on part pas de rien en fait, et ils vont réussir. Et donc tout ça pour dire qu'il faut être rassuré, c'est-à-dire que même si on doit appeler les secours, on aura quelqu'un au bout du fil qui sera pour le coup très calme et qui va nous guider pour bien savoir où on est, bien envoyer les secours au bon endroit, et quel geste réaliser éventuellement avant l'arrivée des secours. En tout cas, merci Lorraine d'être venue déjà, et puis merci pour tout ce que tu fais. Je tenais vraiment à mettre en avant votre association, je trouve vraiment super. Merci. J'espère un jour elle sera dans toutes les salles de classe des enfants. I have a dream. En tout cas, merci d'être là. Alors, poursuivre tes actions, les actions de Pas de Panique 112, je le rappelle, il y a le site internet www.paspanique112.org et puis aussi les réseaux sociaux. C'est ça. Et nous, pour réécouter cette émission, il y a fadjet.net ou Spotify. Je vous retrouve, moi, le mois prochain avec une nouvelle association à mettre en avant pour un nouvel épisode. Très belle journée à tous.